Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, première partie, chapitre 3 du troisième traité, cinquième paragraphe. Force de Marie. Salomon se demande qui pourra jamais découvrir la femme forte, Proverbe 51, 10. Si je ne me trompe, dit Saint Bernard, nous avons trouvé ce que Salomon cherchait en vain, Saint Bernard Sermon 12 des Diversis. Marie, est vraiment cette femme forte, Marie, ajoute-t-il, est cette femme dont la force devait triompher du dragon infernal et abaisser son front superbe. Salomon la cherchait, désespérant, pour ainsi dire, de la trouver jamais. Ce roi sage connaissait par expérience la faiblesse de ce sexe. Mais comme il savait que Dieu l'avait promise, comme d'ailleurs il trouvait convenable que le serpent qui avait triomphé par la femme, fût à son tour vaincu par elle, il semble dire, si c'est de la main d'une femme que dépend notre salut, la réparation de l'innocence perdue, la victoire sur l'ennemi, il faut une femme vraiment forte, pour s'acquitter d'une telle œuvre. Mais qui pourra trouver cette femme forte, demande qu'il s'adresse à lui-même, moins par désespoir de la rencontrer jamais que pour exciter à sa recherche, il ajoute en effet avec un ton prophétique, « Elle est plus précieuse que les trésors qu'on apporte des extrémités du monde. » Comme s'il disait « Elle n'est pas d'un vil prix, d'une valeur commune ou médiocre, elle n'est pas de la terre, en un mot, mais du ciel, et non du ciel le plus voisin de la terre, mais du plus haut des cieux, Saint Bernard Sermon 2, Super Missus Est, numéro 5. Nous l'avons donc trouvée, félicitons-nous-en, et arrêtons-nous un moment à considérer quelqu'une de ces éclatantes prérogatives, décrites par Salomon, ou plutôt par l'Esprit Saint qui a parlé par sa bouche. Nous marcherons sur les traces des saints-pères. Proverbe 31, 11. Le cœur de son mari met sa confiance en elle, et il ne manquera point de butin. Quel est ce mari de la très sainte Vierge? Il ne faut pas le chercher bien loin, c'est Saint Joseph, dit un savant auteur, voir Cornelius à Lapide à cet endroit. Le cœur de ce saint s'est reposé plein de confiance sur la fidélité de Marie, lorsqu'il la vit enceinte, sans son opération. Il ne fut pas privé de butin, c'est-à-dire d'enfant, il en fut au contraire très richement pourvu, puisqu'il reçut dès un enfant Dieu. Marie, qui fut très fidèle à son chaste époux, partage avec lui tous ses biens, Proverbe 31, 12. Je crois, dit Saint Bernard, que la bienheureuse Vierge a répandu dans le cœur de son chaste époux, Saint Joseph, le trésor de grâce qu'elle avait reçu. Imaginez-vous quelles durent être les consolations, les saintes inspirations, les lumières que Saint Joseph reçut de Marie, son épouse. Qui pourrait se représenter l'union intime qui exista entre ces deux cœurs? Combien le cœur de l'époux dut se rendre conforme à celui de l'épouse? En sorte que, selon moi, Saint Joseph posséda la pureté la plus parfaite, l'humilité la plus profonde, la charité la plus ardente, la contemplation la plus sublime, voir Saint Joseph selon le révérend Père Cornelius à Lapide. Marie a cherché la laine et le lin, et elle les a travaillés avec des mains sages et ingénieuses, Proverbe 31, 13. Ces paroles, il n'y a pas de doute, peuvent s'entendre dans le sens littéral, et elles signifient que la très sainte Vierge, loin de passer sa vie dans l'oisiveté, était au contraire appliquée au travail, à la honte de tant de personnes de l'un et de l'autre sexe, à donner à la mollesse, et plongée non seulement dans l'oisiveté, mais encore dans la léthargie des vices auxquels l'oisiveté conduit. Que les femmes qui font profession de dévotion envers Marie ne rougissent pas d'employer leurs mains aux travaux, auxquels Marie ne dédaigna pas de faire servir les siennes. Si vous vouliez prendre les paroles qui précèdent dans un sens spirituel, écoutez l'explication qu'en donne le vénérable Bède, voir Cornelius à Lapide. L'haleine peut signifier la simplicité et la piété. Par le là on peut entendre la mortification au moyen de laquelle l'âme, purifiée de sa rudesse naturelle, se rend digne d'être du nombre de ceux auxquels il est ordonné de se revêtir de Jésus-Christ. La femme sage cherche donc la laine et le lin, et les travaille avec des mains intelligentes, quand elle recherche à quelles œuvres de piété elle doit s'appliquer, et de quelle manière elle doit éloigner son cœur des amorces de la chair. Douée de la véritable prudence, elle fait tout dans la seule vue de l'éternelle récompense. Elle est comme le vaisseau du marchand qui va dans les pays étrangers, pour en apporter du pain à ses concitoyens. Proverbe 31-44. En effet, dit saint Bernard, Marie nous a apporté, à nous qui sommes ses enfants, le véritable pain venu du ciel, qui est Jésus-Christ, lequel voulut naître à Bethléem, dont le nom signifie maison de pain. Marie nous a donc procuré ce pain au-dessus de toute substance, après lequel les saintes âmes doivent soupirer. Avec une bonté sans égale, elle invite tout le monde à s'en nourrir. « Venez, mes enfants, dit-elle, mangez de mon pain, Ibidem 9, 5, mangez de ce pain qui peut seul vous donner la vie. Et qui refusera, après une telle invitation, de s'asseoir au céleste banquet, préparé par les mains de Marie? Hélas, il n'y en a que trop qui s'y refusent. Il n'y en a que trop qui s'approchent indignement de la table sainte, et qui en emportent, au lieu d'aliment, une condamnation de mort, qu'il ait soin de s'éprouver, nous avertit l'apôtre saint Paul, qu'il ait soin de s'éprouver lui-même, celui qui prend cette nourriture. 1 Corinthiens 11, 28. Et la saint Sérin de force et elle a affermi son bras. Proverbe 31, 17. Aux femmes vraiment fortes, s'écrit saint Augustin, sermon 45 de divers 6. Considérez-la attentivement, c'est une de ces servantes qui s'acquittent de leur service avec courage, avec promptitude, afin que la chair n'empêche pas les opérations de l'esprit, et la saint Sérin, aussi rien ne la peut retarder. Elle est diligente et active au travail. La chasteté la couvre comme un manteau, le précepte divin lui sert de ceinture, et dégagée des convoitises de la chair, elle est toujours prête pour toute bonne œuvre, elle a affermi son bras pour ne jamais défaillir. Saint Grégoire dit que les reins sont sains, lorsque par une sainte continence nous réprimons les désirs de la chair. Marie fut cette femme qui saignit ses reins, et affermit ses bras, elle dont la force, dit un savant commentateur sur ce passage, Cornelius à Lapide, éclata dans ses voyages, ses travaux, sa pauvreté, dans la persécution que son divin fils eut à souffrir de la part d'Hérode, pendant son enfance. Sa force éclata plus encore sur le calvaire au pied de la croix, où elle assista au grand sacrifice que Jésus-Christ offrait pour notre salut, endurant elle-même dans son cœur toutes les souffrances que son Fils endurait dans le corps. Elle éclata, cette force, après la descente du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, alors revêtue, beaucoup plus que les apôtres, de la vertu qui vient d'en haut, elle reçut l'esprit de force dans toute sa plénitude, afin qu'après la mort et l'ascension de Jésus, elle pût soutenir l'Église naissante, au milieu de ses détresses, et fortifier les apôtres, comme elle le fit en réalité. Marie fut donc la colonne de l'Église dès son berceau, et elle n'a cessé de l'être. La bienheureuse Vierge peut dire avec vérité, Proverbe 8, 14, « À moi appartient la force ». Oui, Vierge Sainte, c'est à vous qu'elle appartient, car Dieu vous en a comblé, c'est aussi par vos mains qu'elle est distribuée aux autres. C'est par vous que règnent les rois et que les législateurs se règlent avec justice, c'est par votre moyen que les puissants du siècle régissent avec équité. A fait donc, ô Vierge puissante, que tous les princes de la terre gouvernent les peuples selon la justice, que les princes de l'Église spécialement gouvernent avec force la barque maintenant si violemment agitée par les vagues, vous le savez, vous êtes l'athlète de l'Église non seulement des premiers siècles, mais aussi d'une autre, soutenez-la donc, afin qu'elle ne chancelle jamais, et tendez les limites du royaume de votre divin Fils. Faites que par toute la terre il n'y ait plus enfin qu'un seul troupeau, réuni sous un seul pasteur. N'oubliez pas cependant votre faible enfant, ô ma mère, que ma faiblesse est grande. Vous la connaissez mieux que je ne pourrais vous la décrire. Je vous prierai donc de m'obtenir la force de résister courageusement aux attaques des ennemis qui m'assaillent de toutes parts. À l'ombre de votre protection je ne craindrai point leurs insultes, je triompherai de leur audace, je remporterai des victoires dont je déposerai les couronnes à vos pieds, au jour où j'aurai le bonheur d'être admis à partager avec vous les joies célestes et à louer le Dieu infiniment grand, infiniment puissant, dans tous les siècles des siècles. Amen. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.